Dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Pour améliorer les performances de sportifs, il y a entre autres les outils de la physique. Oui, la science peut aider les athlètes à aller plus vite, à être plus précis et à gagner des médailles. 11 laboratoires français pilotés par l'École Polytechnique ont décidé de travailler aux côtés de coachs pour que nos champions arrivent aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec un maximum d'atouts. Rien n'est laissé au hasard. Les trajectoires des balles, la composition des muscles, des haltérophiles ou la pression des pneus des fauteuils roulants sont passés au crible. Grâce à ces travaux, les sportifs vont probablement avoir de nouveaux équipements et pratiquer leur entraînement différemment. Science 2024 est un programme qui réunit 50 chercheurs et qui est piloté par Christophe Clanet, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'hydrodynamique de l'École Polytechnique. Les aventuriers sur France Inter. Donc Science 2024, c'est un groupe d'écoles et d'institutions comme l'INSEP, le CNRS et le Centre National des Sports de la Défense qui se mettent ensemble pour accompagner les équipes de France dans leur quête de performance. Et le but, c'est quoi ? Et le but, c'est d'aider les équipes à augmenter le nombre de médailles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion. Avec plus d'entraînement, plus de technique ? Non, l'entraînement, c'est pas ça. C'est-à-dire que les équipes de France, elles font déjà ce qu'il faut de notre point de vue. Mais là, ceux qui font pas ce qu'il faut, c'est les sciences dures. C'est-à-dire les physiciens, les mathématiciens ne se sont jamais impliqués derrière les équipes de France pour les accompagner. Et donc là, l'idée, c'est de se mettre à leur service, d'essayer de voir sur quel sujet on peut les aider et de compléter la boîte à outils dont ils disposent déjà. Donc les scientifiques peuvent aider les sportifs ? Oui, les scientifiques peuvent les aider sous différents angles, disons. Donc je vais essayer d'en prendre deux. Donc il y a un angle qui consiste à développer des capteurs pour eux. Donc des fois ils ont envie de mesurer des choses et ils n'ont pas les outils pour le faire. Typiquement, par exemple, au vélo, ils aimeraient voir si jamais le cycliste a une jambe plus forte que l'autre. Donc, actuellement, ils mesurent la puissance avec un mesureur de couple qui est sur l'axe du pédalier. Et ça permet pas de distinguer jambe droite et jambe gauche. Et donc, une fois que le scientifique il a compris qu'il y a un nouveau besoin qui se développe au sein d'une fédération, il peut essayer d'y répondre. Et donc là, c'est ce qui va être fait avec une start-up qui s'appelle Feeling, qui travaille avec nous, parce que ce sont deux anciens doctorants. Et ils vont développer des capteurs pour la fédération de cyclisme de façon à avoir accès à cette donnée-là. Donc ça, c'est un des aspects. Un autre exemple, il y a dans chaque sport, vous avez, disons, des credos, des choses que l'on hérite de la génération d'avant. Donc typiquement, en aviron, l'équipe de France veut avoir des coques les plus lisses possibles, alors que l'équipe d'Allemagne, avant les courses, passe de temps en temps de la toilemmerie. Et donc, il y a un créneau pour une équipe qui n'est pas le même que pour l'autre équipe, mais à la fin, il n'y a qu'une vérité scientifique qui doit dire s'il vaut mieux avoir une coque lisse ou rugueuse. Et donc ça, si jamais on mesure les contraintes qui sont exercées sur les coques dans le bon régime d'écoulement, on doit être capable de trancher. Et donc ça, c'est pas le développement d'un capteur, c'est de comprendre qu'il y a une question qui est mise un petit peu sous le tapis et à laquelle nous, on va pouvoir apporter une réponse. Après, l'équipe en fait ce qu'elle veut, mais au moins, elle aura une réponse sûre. Donc le vélo, l'aviron, je sais que vous travaillez aussi beaucoup pour le handisport et les Jeux paralympiques. Oui, alors les questions vont changer, mais la façon dont les problèmes vont être abordés va être la même. Côté paralympique, il y a deux sujets sur lesquels on s'est lancé cette année avec Science 2024. L'un, c'est les lames de saut, essayer de voir comment on peut les adapter disons à la physiologie de chacun des athlètes. Donc là, il y a une campagne de mesure qui a été faite avec Marie-Amélie Le Fur, qui est notre championne et recordman du monde, avec un saut à 6,01 m. Donc on est descendu à Bordeaux avec un groupe d'élèves et puis Caroline pour travailler avec Marie-Amélie et son l'entraîneur qui est Jean-Baptiste Souche, de façon à voir sur quels paramètres on peut jouer, de façon à l'aider à continuer à améliorer ses performances. Et donc là, il faut caractériser l'élasticité de la lame, essayer de voir si la forme de lame qu'elle utilise actuellement, qui est cette forme cheetah, est optimale. Qu'est-ce qu'on comprend du rapport entre l'élasticité de la lame qu'elle utilise pour la course et pour le saut sur ses performances? Donc c'est ce genre de questions que l'on essaye de traiter. D'après vous, Christophe, les scientifiques et le sport font bon ménage depuis combien de temps ? Je pense qu'il y a toujours eu des interactions entre un sportif et un scientifique, c'est-à-dire chaque sportif essaye, disons, d'optimiser ses performances. Et donc, si jamais il a l'impression qu'un scientifique ou dans ses amis, il y a un scientifique qui peut l'aider, ce genre d'interaction a toujours dû exister, disons. Ce qui n'a pas existé, en tout cas en France pour le moment, c'est un investissement collectif des sciences dures avec les fédérations françaises. Et donc, c'est ça que représente Science 2024. 1972, Radio-Télévision française. Un laboratoire de recherche au Canada pour préparer les Jeux Olympiques de 1976. À Toronto, Lloyd Percival, ancien champion de boxe, dirige le premier laboratoire de recherche de sportifs. Avant l'épreuve, avant le stade, la machine électronique saura si l'athlète deviendra un jour un champion. One of the things that we ways that we can contribute to the Canadian athlete. Nous contribuons ici à la recherche de la meilleure forme, des meilleures performances pour nos athlètes canadiens. Et nous les dirigeons sur la discipline qui leur convient le mieux. Par exemple, Nancy Green, nous avons constaté que malgré la puissance exceptionnelle de la musculature de ses jambes, elle était capable d'une relaxation parfaite. En étudiant scientifiquement son comportement, nous avons pu l'adapter aux bénéfices d'autres skieurs de compétition. Grâce à nos tests psychologiques et physiques, nous nous rendons compte des possibilités maximum de nos athlètes et nous pouvons déterminer à l'avance si oui ou non un individu a les qualités requises pour faire un haltérophile ou sera assez rapide pour jouer trois carrés au rugby ou tout simplement pour savoir s'il sera assez souple pour devenir un gymnaste. La réaction que ça suscite, c'est que c'est une question qui est toujours à l'ordre du jour. C'est-à-dire que essayer d'identifier, par exemple, il y a 15 jours, on était à la Fédération de cyclisme pour discuter avec l'équipe de France de sprint. Donc ça, c'est du cyclisme sur piste. Bon, mais dans cette équipe de France-là, viennent d'arriver 2 jeunes basketteurs. D'accord, donc des jeunes qui étaient dans l'équipe de France de basket et puis ils ont été recrutés par la Fédération de cyclisme pour leur capacité de fibre rapide, c'est-à-dire c'est des gens qui ont beaucoup de détente et on sait que ces capacités-là sont importantes pour les cyclistes dans les disciplines de sprint. Donc on peut passer d'un sport à l'autre comme ça. Oui, parce que avoir une médaille aux Jeux Olympiques, ça compte beaucoup pour les athlètes. Et donc, si jamais ils se rendent compte qu'ils ont plus de chances de les avoir dans des disciplines de sprint, cyclisme, qu'au basket, ils peuvent faire ce choix-là. Et donc, ça, c'est un choix qui a été fait par 2 jeunes de l'équipe de France de cyclisme en discipline sprint. Alors, pour en revenir à ce que vous faites, vous les aidez plus techniquement. Comment ça se passe? Les sportifs viennent vous voir, les équipes viennent vous voir, les coachs viennent vous poser des questions? Non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est le monde du sport de haut niveau en France, c'est un petit monde où les gens se connaissent. Et donc, on a commencé avec Caroline à travailler avec les tireurs de l'équipe de France, donc le tir à la carabine à 50 mètres. C'était il y a 2 ans maintenant. À l'époque, ils réfléchissaient au problème du saut de bouche, c'est-à-dire quand on est au moment du tir, c'est-à-dire lorsque la balle part, le canon recule et se lève. Et la question qui était posée, c'est est-ce qu'il se lève pendant que la balle est toujours dans le canon, ce qui pourrait affecter la précision du tir. Et donc, Caroline a installé des caméras rapides en sortie de carabine pour essayer de quantifier ça. Et on leur a dit que oui, la carabine se déplaçait un petit peu, mais par contre, que eux n'en étaient pas responsables. C'est-à-dire, c'est la vibration du canon, le fait que pour accélérer la balle de 0 à 300 mètres par seconde sur 2 millisecondes, il faut mettre 1000 bars dans la chambre de combustion. Et 1000 bars, ça déforme le canon. Et cette déformation se propage le long du canon. Et c'est ce qui est à l'origine du mouvement vertical du canon. Mais le tireur lui-même n'est pas responsable de ça. Caroline Cohen, physicienne au laboratoire d'hydrodynamique de l'École Polytechnique, spécialiste de mécanique des fluides. Donc on a réussi à montrer que au moment où la balle sortait, le canon n'avait pas encore bougé. Donc le mouvement qu'ils appellent le saut de bouche, qui est dû au recul de l'arme qui vient buter sur l'épaule du tireur, n'apparaît que 2 millisecondes après la sortie de la balle et donc ne joue pas du tout dans la précision du tir. Et donc, en conclusion, Christophe Clanet, est-ce que vous pouvez dire si, du coup, les tireurs ont changé leur façon d'agir ? Alors, ce qui a changé pour les tireurs, c'est d'arrêter de se poser des questions, parce que avant que Caroline arrive à ses conclusions, ils se posaient toujours la question de savoir est-ce qu'il fallait que l'œil soit en contact avec la lunette ou pas ? Est-ce qu'il fallait contracter le muscle de l'épaule ou pas au niveau du tir ? Ça, c'est des questions qui ne se posent plus. Et donc, ça les libère et ils peuvent se concentrer sur autre chose. Et ça, pour un athlète de niveau, c'est très important, puisque la partie disons préparation psychologique joue au moins autant de place que le reste, donc la nutrition. Et donc si jamais on arrive à libérer une partie de son attention de questions qu'il n'a plus à se poser, ben ça l'aide. Kepler, Kepler, c'était Biche. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Que se passe-t-il en tir à l'arc quand l'archer lance sa flèche? Grâce aux travaux des physiciens, de nouvelles flèches pourraient voir le jour. Comment battre des records en haltérophilie? Dans le laboratoire de Christophe Clanet, des volontaires se soumettent à des exercices de développé couché pour mesurer la vitesse avec laquelle la barre est propulsée. Discipline par discipline, les scientifiques cherchent les lois physiques qui régissent le corps humain. Le but, les adapter à chaque sportif. Ce sont plus de 50 spécialistes de l'aérodynamisme, de la mécanique, de la statistique et du sport qui consacrent actuellement tous leurs travaux en France à la préparation des Jeux Olympiques de 2024. Alors, le laboratoire de sciences 2024, c'est en fait 11 laboratoires, puisqu'il y a un laboratoire dans chacun des établissements partenaires. Donc, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui que je connais le mieux, disons, celui qui est installé à l'École Polytechnique. Mais il faut bien voir que la force de sciences 2024, c'est d'avoir 11 laboratoires de ce type partout en France, puisque le nombre de questions que nous posent les équipes de France sont suffisamment nombreuses, disons, pour avoir besoin de tout le monde. Alors, des exemples de questions ? Alors, des exemples de questions. On va prendre, disons, deux thématiques, donc l'une qui est le tir. Sur le tir à l'arc, il y a des choses complètement incroyables qui se passent, c'est-à-dire que quand l'archer lâche sa flèche, cette flèche se met à osciller, c'est-à-dire elle part pas du tout tout droit comme on pourrait l'imaginer. Elle vibre, donc elle se tord un petit peu dans tous les sens. Et ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est qu'en se tordant, elle touche le manche de l'arc, parce que sinon ça va la dévier et le tir sera mauvais. Une façon de remédier au fait qu'elle touche, ça va être de la prendre un petit peu rigide, mais pas trop. C'est-à-dire, si jamais on la prend trop rigide, donc une flèche qui ne se déformerait pas partirait systématiquement à gauche et louperait la cible. Donc, si jamais elle est trop souple, elle touche les branches de l'arc et elle peut aller jusqu'à se casser. C'est-à-dire, la première fois que Caroline est allée à l'INSEP pour travailler avec les archers, elle a cassé une flèche comme ça. Mais, et donc, entre trop souple et trop rigide, il y a un optimum. Et cet optimum-là, il permet à la flèche d'éviter de toucher l'arc. Et donc, choisir l'optimum, voir comment ça dépend de la force de l'archer, ça, c'est une question qui est posée. Ça s'appelle le paradoxe de l'archer. Donc ça, c'est une question sur laquelle on réfléchit. Et puis sur la forme des empennages, donc les plumes que vous voyez derrière les flèches, est-ce qu'il faut les prendre grosses ou au contraire petites, et puis torsadées, pas torsadées? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles la science a quelque chose à dire et qui peuvent aider les archers. Mais à partir de là, vous travaillez comment? Vous avez des formules mathématiques? Vous faites des tests? La première chose qu'on fait, c'est d'observer. À la Fédération de tir à l'arc, ils ont une machine à tirer. Ça permet d'avoir des tirs beaucoup plus reproductibles. Et donc, sur les questions d'empennage, de choix d'empennage, c'est avec cette machine à tirer que l'on travaille. Donc, on travaille en l'absence de vent. Donc, on se met dans le gymnase de l'INSEP le matin, pour évidemment, quand il n'y a personne, parce que sinon, on risque d'embrocher un athlète qui serait en train de courir. Ça permet de tester la répétibilité des tirs et de tester l'influence des différents empennages, de tester l'influence des différentes rigidités. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et une fois qu'il y a une tendance, à ce moment-là, on peut commencer à faire des équations, à essayer de voir est-ce qu'on comprend les tendances qui ont été observées. Et les équations ne sont là que pour essayer de comprendre les tendances et de révéler quel est le paramètre clé sur lequel on peut jouer. Et les sportifs sont très demandeurs? Les sportifs sont demandeurs de réponses assez rapides et qui identifient le point clé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on tourne autour du pot, ils veulent nous dire « bon, mais on vous a posé une question sur l'empennage, c'est quoi le meilleur empennage ?» Ce qu'il faut, c'est identifier celui que l'on va pouvoir mettre en place pour tel athlète et vérifier que ce que nous, on a vu comme étant un optimum est effectivement bon pour leur athlète et pour la compétition à venir. 22 février 1969, Radio-Télévision française. Activité au sein de l'INSEP, l'Institut National des Sports. La salle de musculation de l'INS est la plus moderne de France, la plus suivie par les spécialistes de la musculation. Chaque appareil a une fonction déterminée. Chaque séance se termine toujours par une séance de gonflette, terme vulgaire pour musculation. Bobine Andrieux, presse de musculation, haltères, espaliers, rien ne manque dans cette salle où certains n'hésitent pas à travailler aussi leur détente. En particulier, les haltérophiles qui ont une salle qui est leur domaine, où ils regardent quelquefois avec un sourire narquois des lanceurs de poids venus soulever quelques kilos de fonte. Par moments aussi, c'est une certaine admiration qui se lit sur leur visage. Qu'est-ce que vous avez fait avec les haltérophiles, Caroline ? Ça pourrait paraître étonnant qu'on s'intéresse aux muscles parce qu'on est des physiciens et on n'a pas vraiment l'approche que peuvent avoir les STAPS, les sciences du sport et la biomécanique. Donc ce qu'on a essayé de faire avec les haltérophiles, c'est comme à chaque fois essayer de comprendre la loi qui régit la levée d'une barre par exemple. Et ça, on l'a fait à la manière habituelle, on a filmé des levées de barre d'un haltérophile, regardé la dynamique, essayé de comprendre les lois qui régissaient ce mouvement. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la dynamique à grande échelle, donc regarder l'haltérophile lever sa barre en un temps donné et de la position la plus basse à la position la plus haute, ça permettait de révéler la structure interne microscopique du muscle. On voyait des comportements différents suivant si les haltérophiles avaient des fibres lentes ou des fibres rapides. Et comment on sait si la fibre est lente ou rapide ? Justement, c'est une question dont la réponse est souvent cachée. Pour le savoir précisément, il faut faire une biopsie. Il faut prélever un échantillon de muscle et à partir de l'histochimie de ce muscle, on peut dire le pourcentage de fibres lentes et de fibres rapides. Ce dont on s'est aperçu en regardant le muscle et le mouvement d'une manière un peu différente, c'est que juste l'observation de la dynamique du lever de la barre pouvait nous donner une bonne mesure de cette proportion de fibres lentes et de fibres rapides. Mais au bout du compte, qu'est-ce que vous avez découvert ? Que pour bien lever des haltères, il faut se servir de ses cuisses, de ses pieds, de ses mollets ou de ses bras ? Alors, ce qui est connu depuis très longtemps, c'est que plus un muscle a une grosse section, plus il est gros, plus il va être puissant. Et donc, c'est pour ça qu'on va être plus fort avec les muscles des cuisses que les muscles des bras. Donc, si on regarde les épreuves d'haltérophilie, donc ça consiste en deux exercices, l'arracher et l'épaulé jeté. À chaque fois, il faut prendre la barre à ses pieds et la mener au-dessus de sa tête, bras tendus. Et pour faire ça, ce qui paraît surprenant, c'est que les haltérophiles ne se servent pas de leurs bras, ils se servent que de leurs jambes. Donc, ils mettent en mouvement la barre en poussant très fort sur leurs jambes et ils servent de l'inertie de la barre vers le haut pour pouvoir passer leur corps sous la barre, en tendant les bras, et éviter ainsi de se servir de leurs muscles des bras qui sont plus faibles que les muscles des cuisses. 12 mars 1970, France Culture, Sport et Sciences. En revanche, dans notre monde du XXe siècle, investi par la technique, le sport n'a pas échappé à la règle commune. Les nageurs se rasent les poils des jambes pour gagner des dixièmes de seconde en glissant dans l'eau. Les calories nécessaires aux sportifs, l'équilibre lipides, protides, glucides, sont calculées par les spécialistes avec la minutie que l'on sait. Les matériaux des divers engins utilisés sont conçus, réalisés, éprouvés selon les méthodes les plus techniques. Les succès, tenez, des skieurs français lors des championnats du monde de ski en 1966 à Portillo du Chili furent dus en partie à leur nouvelle tenue, ajustée au millimètre qui avait été imaginée à la suite d'essais en soufflerie. Plus, tenez, lors des tout récents championnats du monde de ski alpin justement à Val Gardena, les victoires se sont arrachées au centième de seconde. Un centième de seconde, c'est une mesure qui n'est plus humaine. L'œil de la caméra électronique a remplacé la vision de l'homme. Ça, c'était en 1970. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, dans le sport, tout change un petit peu tout le temps puisque les règles évoluent. Et donc, à chaque fois, il faut s'y adapter. On a entendu qu'on parlait de la natation. La question de l'évolution des records en natation a été prégnante au moment où les combinaisons étaient autorisées. Donc là, il y a eu tout un pan de recherche qui a porté sur la constitution de ces combinaisons de façon améliorer les performances qui a été atteint. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit que c'était pas fair play d'avoir une lutte sur les combinaisons, qu'il fallait revenir au maillot. Et les recherches ne se sont pas arrêtées. En particulier, l'Angleterre a beaucoup investi sur les recherches du mouvement optimal qui permettait à leurs athlètes, à leurs nageurs, de se propulser, d'avancer plus vite maintenant que les combinaisons étaient interdites. Et ça a marché, c'est-à-dire que systématiquement, on voit que l'interaction entre la recherche et les athlètes, du moment où elle est tournée vers la performance, ben, produit des effets. C'est-à-dire les recherches qu'ils ont fait dans leur piscine sur les forces de traction ont payé. Donc ils ont travaillé en survitesse, donc ils tractaient leurs nageurs à différentes cadences. Et ça leur permettrait d'identifier la force qui s'opposait à leur mouvement et de voir dans quelle position cette force-là était optimale de façon à maximiser leur vitesse. Donc les performances sont améliorées, ça veut dire que les nageurs ont changé leur façon de nager ? Exactement. C'est-à-dire que donc on a peut-être du mal à le mesurer avec un œil, disons, de non-expert, mais il y a différentes techniques de nage qui varient suivant la distance et puis suivant, disons, la morphologie du nageur. Et donc vous aurez un Florent Manodou qui va commencer sa propulsion avec le bras droit avant que le bras gauche ait terminé la sienne, donc on appelle ça un indice de coordination qui est positif. Et puis on a des nageurs sur des longues distances qui vont avoir des indices de coordination négatifs, c'est-à-dire ils vont attendre que le bras ait fini sa phase de propulsion avant d'entamer la propulsion avec l'autre bras. Donc il y a pour chacun des disons chacune des distances un indice de coordination optimal, et donc de trouver cet optimum, c'est le travail actuellement de Rémi Carmignani, et qui de mon point de vue va disons aider chacun des athlètes de l'équipe de France à trouver son optimum à lui. C'est ça, vous vous adaptez à chaque sportif. Ah oui, c'est-à-dire ça c'est quelque chose que l'on comprend dès qu'on rentre dans une fédération, c'est-à-dire il y a des lois disons qui fixent le cadre de la discipline, mais ensuite l'optimum, il ne peut être que individuel, et donc il faut à un moment donné intégrer les caractéristiques de l'individu de façon à ce que lui trouve son optimum. On ne travaille pas que sur l'aviron, le tir à l'arc et la natation dans votre labo. Non, en fait dans Science 2024, on essaie de couvrir l'ensemble des disciplines olympiques et paralympiques. Et donc là, je vous ai cité les exemples qui sont, disons, les plus anciens, c'est-à-dire ceux sur lesquels on a le plus de choses à dire. Mais actuellement, il y a un travail qui est très important qui se fait sur le saut en longueur paralympique, sur la course fauteuil, sur le paracanoë. Donc ça, c'est des exemples sur lesquels je serais content d'échanger. Et voici Ina De Yard. Yao. Thank you. domaine de la physique du sport est un domaine quasiment vierge. Et c'est celui de Christophe Clanet, chercheur CNRS dans un laboratoire de l'école polytechnique. Un laboratoire très original où des robots font de l'aviron, où on fait glisser des patins sur des blocs de glace. On y étudie le fartage des skis et l'effet du vent. Dans le laboratoire, des souffleries et des bassins. Il y a quoi dans le labo? Il y a des souffleries, il y a de l'eau, il y a... Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des souffleries. Actuellement, la soufflerie est utilisée pour travailler sur le cyclisme et puis aussi sur les flèches, l'aérodynamique des flèches pour les tireurs à l'arc. Et puis, il y a un canal hydraulique qui est une sorte de piscine dans laquelle on peut tracter des bateaux et puis des nageurs de façon à caractériser la force qui s'oppose à leur déplacement. Alors, vous êtes à l'école polytechnique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des polytechniciens dans le labo? Non, mais il y en a pas mal quand même. En tout cas, dans les jeunes qui rejoignent Sciences 2024, donc cette année, il y a 6 équipes de 5 polytechniciens en formation, donc en deuxième année. Dans le laboratoire lui-même, les doctorants viennent d'un petit peu partout, comme dans tous les laboratoires de France, disons. Et actuellement, on doit avoir une, je dirais, 5 doctorants qui travaillent sur ces thématiques-là. Caroline Cohen, vous êtes physicienne, vous êtes polytechnicienne? Moi, je suis normalienne. Et vous êtes intéressée au rugby. Qu'est-ce que vous avez fait autour du rugby? Alors sur le rugby, il y a plusieurs questions. Donc à chaque fois, dans chaque sport, il y a les questions qui reviennent. C'est au sujet de la performance ou de la protection contre les blessures. Et le rugby, ça illustre bien ça. C'est qu'il y a une première question qui nous a surpris. C'était celle de Didier Rothière, le DTN, directeur technique national du rugby, spécialiste de la mêlée, qui nous demandait pourquoi 150 plus 150 font 200. Et ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bonne question. Ouais. Nous, on n'était pas tout de suite d'accord, mais... Donc, qu'est-ce qu'il voulait demander par là? C'était pourquoi la somme des forces produites par les joueurs de la mêlée ne s'additionne pas. Et en effet, si on regarde la somme des forces des 8 joueurs, on n'a pas 8 fois la somme de 1 joueur individuel. Donc ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup en ce moment et sur laquelle on travaille. Et vous travaillez comment? Alors, comme d'habitude, on fait des mesures. Donc on travaille sur ce sujet avec la Fédération française de rugby et avec l'équipe du Racing 92. Et on est allé faire des expériences à l'atelier de la mêlée, un atelier où on peut mesurer les forces produites par la mêlée en mouvement et en conditions réelles. Donc c'est un gigantesque capteur de force sur lequel les joueurs vont venir s'appuyer et pousser. C'est le fameux simulateur de rugby? C'est ça. 6 juin 2010, journal de France 2, un simulateur de mêlée de rugby. De longs mois, à l'abri des regards, de quoi attiser la curiosité quand Roselyne Bachelot lève le voile. Le projet, lancé fin 2007, résulte d'un travail d'équipe. Didier Rothière, l'entraîneur des avant-tricolores, la cellule recherche de la fédération et les ingénieurs de Thales, le groupe industriel français. Un robot à 6 pieds qui, grâce à la technologie des simulateurs de vol, reproduit les effets d'une mêlée. On va pouvoir mettre en scène, en quelque sorte, faire jouer une mêlée à notre équipe à l'entraînement. Qu'on aura une mêlée qu'on aura choisie, qui va ressembler à celle qu'on va pouvoir jouer le dimanche qui suit, ou alors mettre des mêlées qui vont être plus dures que celles qu'on va jouer le dimanche qui suit pour faire progresser les joueurs sur certains aspects de la mêlée. Ouais. La sensibilité des capteurs allant de 1 gramme à 4 tonnes et demi, le simulateur analyse en temps réel les poussées et les mouvements des joueurs. Des calculateurs transmettent les informations à des vérins électriques pour un déplacement en 3D. À un an du mondial, l'arme secrète du pack bleu s'annonce comme un atout. Alors qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre, ce simulateur de mêlée de rugby? Alors, sur ce simulateur, on a fait passer les avants du Racing 92 et on a pu mesurer leurs forces individuelles et voir comment ces forces se sommaient quand on les associait 2x2, 3x3 en ligne, en triangle ou à la mêlée totale. Et on s'est vu qu'effectivement, il y avait bien une perte de force, qui était d'autant plus grande qu'on additionnait le nombre de joueurs, pour atteindre une perte de 25% à 8 joueurs. Du coup, qu'est-ce que ça va changer pour le rugby? Il y a plusieurs voies sur lesquelles peuvent déboucher ces travaux. C'est essayer de comprendre l'origine de la perte de force et de travailler dessus. Donc, par exemple, est-ce que c'est que les joueurs se sont mal attachés lorsqu'ils se mettent en pack et c'est pour ça qu'ils perdent de la force? Est-ce que c'est qu'ils font des mouvements parasites dans la mêlée? Donc ça, c'est une première réponse possible. Et l'autre voie, c'est peut-être regarder la hauteur optimale de mêlée, parce qu'on s'est aperçu, en les faisant pousser à différentes hauteurs, qu'ils poussaient à une hauteur qui ne maximisait pas la force produite. Christophe Clanet, vous travaillez pour les équipes de France. Oui. C'est confidentiel, ces recherches ? Alors, une partie va l'être, c'est-à-dire que, et puis une partie ne le sera pas, c'est-à-dire une partie sera publiée. Si jamais on regarde le travail qui a été fait avec Martin Fourcade, par exemple, sur le fart, le secret du fart, c'est des, se joue au niveau du contact entre la neige et la semelle du ski. Et ce qu'il faut, c'est liquéfier les contacts, c'est-à-dire que il faut que chacun des points de contact entre votre neige et votre semelle devienne liquide si jamais vous voulez que la friction soit minimale. Donc si jamais elle reste solide, évidemment, on aura une friction qui sera élevée. Si jamais vous produisez trop d'eau, ben, la friction augmentera aussi. Et donc il y a un régime, disons, optimal de fabrication de ce film. La façon d'atteindre cet optimum, ça, vous pouvez pas le publier, c'est-à-dire il faut que ça reste confidentiel et à la tête, mais la caractéristique du film qui est produit, c'est-à-dire le fait qu'il ait une viscosité 20 fois la viscosité de l'eau et qu'il ait une épaisseur de 200 nanomètres, ça, c'est pas confidentiel, c'est-à-dire ça, vous pouvez le publier. Et donc, pour répondre à votre question, une partie des travaux va être confidentielle, puisque il faut que ça ne profite qu'aux athlètes qui nous ont fait confiance, disons. Et puis, une autre partie ne le sera pas et pourra être publiée. Évidemment, avant chaque publication, ben, on demandera l'autorisation aux fédérations avec qui on travaille. 20 février 1963, télévision française, émission Les coulisses de l'exploit. Existe-t-il un style en matière de ski? Y a-t-il une manière, une façon idéale qui n'est pas encore de ce monde, mais vers laquelle chacun tend? Assurément, trois conditions s'imposent préalablement. D'abord, un matériel parfait, servi par un fartage minutieusement adapté aux circonstances, ce qui constitue une première difficulté. Ensuite, une condition physique optimum, le skieur étant un athlète au sens le plus complet du terme. Enfin, il faut posséder une technique absolument parfaite. Suivons ici Bernard Perret, l'ancien champion de slalom, qui nous montre ce qu'est un virage compétition, et ceci au super ralenti à près de 1000 images secondes, c'est-à-dire ralenti près de 40 fois. Vous voyez nettement dans ce virage très classique la technique de base qu'il convient de posséder, avec les différents temps d'exécution, le planté de bâton qui entraîne le corps, qui fait monter le corps et qui permet de décoller les skis, l'épaule qui s'efface au passage de la porte, et le corps qui se met en angulation parce que les skis chassent à l'extérieur sous l'effet de la force centrifuge. Et voilà les questions qu'on se posait déjà en 1963. Oui, oui, en fait, ce qui est très émouvant, c'est de voir que les outils ont changé, mais que la recherche, disons, de performance reste toujours prégnante. Et c'est ça qui marque quand on rentre dans chacune des équipes de France, c'est cette exigence, c'est-à-dire le fait de pouvoir systématiquement, de vouloir systématiquement pousser les limites un peu comme si elles n'existaient pas. C'est-à-dire que, ou qu'on voulait chaque fois s'y confronter pour aller au-delà et atteindre, disons, un état de perfection. Et comment vous travaillez avec Martin Fourcade, par exemple? Ah ben c'est très facile, on ne le voit pas, hein, puisque lui, il faut qu'il s'entraîne. Donc on travaille avec son équipe technique. Et encore, on essaye de les solliciter les moins possibles, puisque eux aussi, ce sont des spécialistes qui doivent être sur le terrain pour aider Martin. Donc on rencontre typiquement une fois l'an, depuis 3 ans maintenant. Ils nous ont montré quel était le problème auquel ils se confrontaient, c'est-à-dire quand vous rentrez dans le camion des farteurs de l'équipe de France, vous avez au fond du camion un premier farteur qui dépose une couche de cire. Et donc là, il a déjà une centaine de choix possibles pour le type de cire qu'il va déposer. Ensuite, au milieu du camion, il y a un deuxième farteur qui vient faire des stries, donc il vient texturer en fait la semelle, suivant que la neige est froide ou chaude. Là aussi, il y a une bonne centaine de choix. Et enfin, ça termine avec le dernier farteur qui dépose un spray, toujours pareil, avec une centaine de choix. Et donc au final, vous avez 1 million de combinaisons possibles, puisque c'est 100 fois 100 fois 100, dans laquelle il faut faire le bon choix pour le jour de la course. Et donc ça, c'est les métiers de farteur. Et donc là-dessus, si jamais vous, vous pouvez les aider en leur disant, bon ben nous, avec cette température et cette humidité de neige, on a l'impression que cette combinaison est peut-être plus adaptée pour arriver à, encore une fois, à liquéfier uniquement les points de contact entre la neige et la semelle, ben vous les aurez aidés un petit peu dans leur travail quotidien. Mais la vérité, c'est que pour le moment, ils nous ont pas attendus pour travailler, quoi. Alors ça, c'est pour le fart et la forme des skis. À la forme des skis, on n'y a pas travaillé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu évoluer, évidemment, quand vous regardez les skis de descendeurs des années 60 par rapport à ceux qu'ils ont maintenant. Et puis quand vous allez chez Rossignol, vous voyez qu'une grosse partie du travail consiste à travailler sur la vibration des skis. Et donc cette vibration-là, les modes de vibration dépendent évidemment de la forme et puis du matériau que vous utilisez. Mais c'est des questions sur lesquelles nous, au laboratoire, nous n'avons pas travaillé. Puis c'est des questions sur lesquelles Science 2024 n'aura pas à se prononcer, puisque nous, on est sur les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. 25 mars 1954, actualité française. Les Alpes bougeraient-elles? Si une certaine perturbation s'était déjà signalée avec l'apparition des ours gagnés par la galanterie au point d'offrir leur service aux belles skieuses, on a vu une innovation récente prendre les allures et les proportions d'une véritable révolution. Comme les jupes l'an passé, les skis se sont raccourcis. Ski court. Ski long. Les tenants des deux parties se livrent une lutte sans merci, les uns prônant l'ancienne planche de 2,10 m, les autres la nouvelle de 1,40 m qui facilite en principe les virages et les arrêts. Les extrémistes déjà montrent le bout du nez. Le patin à neige, disent-ils, voilà l'avenir. Stay with me for a couple more moves. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. It's even worse to keep my head when they said she. I've ever seen those concentrating dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Stick around, baby, don't leave too soon. 'Cause you can stay with me for a couple more moons. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. Even worse to keep my head when they said she. Anybody Gonna Move, c'était William Zedvilain. Les aventuriers sur France Inter. Une médaille sportive se gagne avec des détails. Les chercheurs ont compris, par exemple, que les muscles des athlètes doivent avoir, au moment de l'effort, une température idéale. Ils proposent des outils qui peuvent la mesurer avec précision. Ils ont aussi beaucoup travaillé sur la pression des pneus des fauteuils roulants en vue des Jeux paralympiques. Et ils ont découvert que tout dépend de la couleur de la piste. Même les amateurs vont bien sûr bénéficier de ces travaux. Mais faut-il être sportif pour s'intéresser au sport ? Je pense pas. C'est-à-dire que si jamais on regarde Dino Buzzati, par exemple, qui a écrit un merveilleux petit roman sur le Giro 49, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il était du tout sportif. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé là en tant que journaliste écrivain un petit peu par hasard. Et en fait, plus il va approcher, disons, ses champions, plus il va s'y attacher et produire quelque chose qui est resté, puisque c'est un petit livre qui traverse le temps sans cheveux blancs. Alors, vous préparez les Jeux Olympiques de 2024 en France. Oui. Ça fera plus de 100 ans que la France n'aura pas eu les Jeux Olympiques d'été. Oui, c'est ça. Mais et ce sera la première fois qu'on aura les Jeux Paralympiques. Voilà. Et vous ne faites pas de différence entre Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques ? Non, aucune. On en fait d'autant moins que les besoins côté paralympique sont au moins aussi importants que côté olympique et que c'est peut-être là que les scientifiques apporteront le plus. Mais vous travaillez sur quel sujet ? Vous pouvez vous intéresser aux pneus des fauteuils, les canoës ? Alors sur les pneus, donc ça c'était un travail qui avait été fait lors de la journée d'extraction de Science 2024 qui se tenait à l'Open de Paris à Charletti en juin 2018, où on avait discuté avec Caroline, avec deux champions français qui sont Franck Fairbank et Nicolas Brignone. Et donc ce que nous disaient Franck et Nicolas lorsqu'on a discuté avec eux, c'est que dans leur discipline de course fauteuil, il faut systématiquement qu'ils ajustent la pression de leurs pneus à la piste sur laquelle ils courent. Et les pistes bleues, par exemple les pistes olympiques sont bleues, comme vous avez pu le noter maintenant. Les pistes sur lesquelles ils s'entraînent sont plutôt ocre. Et le fait que la piste soit bleue ou ocre change son élasticité. Et non. La pression des pneus qu'ils vont utiliser va être différente. C'est-à-dire des pneus qui sont sous-gonflés vont avoir beaucoup de friction, comme le savent tous les cyclistes, disons. Des pneus qui sont trop gonflés vont aussi avoir beaucoup de friction parce que le pneu va s'enfoncer dans le tartan. Et donc entre les deux, c'est-à-dire entre trop gonflé et pas assez gonflé, il y a une pression optimale. Et donc ce qu'on attend des scientifiques, c'est d'être capable de déterminer cette pression optimale et de l'identifier pour chacune des pistes et puis pour le jour de la course. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours, mais c'est une question qui est très bien posée par les athlètes de la course au fauteuil et sur laquelle on a investi, disons, pas mal de travaux. Et vous pensez que les performances sportives, tout domaine confondu, ne sont pas arrivées au taquet ? Non, non, ça je suis convaincu qu'elles ne le sont pas. Chaque fois que la recherche s'est mise en route aux côtés des athlètes, les performances ont évolué. Le matériel influe beaucoup et va continuer à influer. Quand vous regardez l'évolution des performances et le nombre de médailles, ils corrèlent quasiment parfaitement avec la PIB. Donc, ce qui veut dire que les pays les plus riches sont ceux qui ont le plus de médailles. Ça, c'est ça la conclusion de ces études. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'investissement que les pays font, en particulier pour le couplage recherche-sport, paye. Et c'est ça où on pourrait, disons, dire que c'est peut-être un peu inéquitable, c'est-à-dire que les pays qui n'ont pas les moyens d'investir vont être pénalisés. Et ça, c'est vrai. Quand vous regardez par exemple la Jamaïque n'a pas les moyens d'investir côté recherche et donc elle s'en sort puisque c'est un des pays qui performe le mieux au niveau olympique sur des disciplines très simples qui sont les disciplines de l'athlétisme, c'est-à-dire très simple au point de vue matériel. Dès qu'il y a du matériel, c'est très difficile de s'en sortir sans investissement dans la recherche. Alors là, on a parlé des Jeux Olympiques, mais est-ce que le grand public peut en profiter de ces recherches ? Alors, il peut en profiter sur la partie dont parlait Caroline tout à l'heure, c'est-à-dire sur la partie prévention des blessures. C'est-à-dire ce qui va être fait pour prévenir les blessures, par exemple sur le développement de crampons. Un bon crampon, c'est un crampon qui tient longitudinalement, c'est-à-dire qui va vous empêcher de reculer, mais c'est un crampon qui peut tourner. C'est-à-dire qu'un crampon qui ne tourne pas, il est très dangereux parce que c'est la cheville qui va tourner ou bien c'est le genou qui va tourner et donc vous allez vous blesser. Ça, c'est ce qu'on a appris en discutant avec Sylvain Blanchard, qui est le médecin du Racing 92. Et donc, identifier les bons crampons pour les athlètes, il n'y a pas de raison que ça ne bénéficie pas au grand public. D'accord ? Et donc, sur cette partie-là, je suis sûr qu'il peut y avoir un transfert. Alors finalement, cette aventure sciences et sport, ça a commencé pour vous avec le foot ? Oui et non. C'est-à-dire, sciences et sport, oui. C'est-à-dire que le début, il y a presque une dizaine d'années maintenant, et avec le début de la thèse de Caroline, c'était sur le foot et sur les trajectoires de particules sportives, donc les trajectoires de ballon, les trajectoires de volant de badminton, etc. Et puis, ça s'est poursuivi avec la nouvelle aventure avec les sciences 2024, donc sur les sports olympiques et paralympiques d'été. Dans ces sports-là, il y a le foot. Et donc la question est la suivante. Comment maintenir la température de mon joueur de foot à 38,5 degrés, la température du muscle? Alors pourquoi ils se sont rendus compte, donc Grégory Dupont, qui est le préparateur physique de l'équipe de France, s'est rendu compte que ça, c'était la température optimale qui permettait d'éviter les blessures, qui permettait aux joueurs de rentrer dans un état de forme maximal sur le terrain. Mais d'un autre côté, ils voient bien qu'avant la finale de la Coupe du Monde, les joueurs, ils s'entraînent et puis ils se retirent au vestiaire pendant plus de 40 minutes. Ce qui fait que pendant ce temps-là, ces 40 minutes, le muscle va se refroidir. Et ça, c'est ce qu'ils cherchent à éviter. Donc la question qui est posée, c'est comment être sûr que la température au cœur du muscle reste à 38,5 degrés. Et donc à partir de là, puisque vous n'avez pas accès à l'intérieur du muscle, sous peine de faire très mal à votre athlète, et ça vous le souhaitez pas, disons, donc il va falloir vous débrouiller avec une caméra infrarouge ou avec des thermocouples qui vont vous donner la température de surface du muscle pour regarder sous quelles conditions on va pouvoir le garder au chaud et être sûr que l'athlète ne va pas se blesser ou sera dans les meilleures conditions quand il va rentrer sur le terrain. Et la réponse est, c'est secret ? Non, c'est pas secret du tout. Non, l'étude est en cours. Ce qu'a vu Caroline avec les caméras infrarouges lorsqu'elle a commencé à les pointer sur les cuisses des joueurs, c'est que du moment où ils sont échauffés, apparaissent des petites étoiles sur la cuisse. C'est-à-dire, on ne les voit pas, ces étoiles-là, mais c'est le bout des capillaires sanguins qui se dilatent et que l'on voit, disons, sous des couleurs vives, c'est-à-dire que ces capillaires amènent du sang chaud, alors que entre les capillaires, il y a la sueur qui fait que la peau est plus froide. Et donc, elle apparaît plutôt bleue. Et donc, on a une sorte de tableau avec du bleu et puis du jaune, donc c'est très joli. Et dans cette configuration-là, on est sûr que le muscle, disons, est chaud. Alors est-ce qu'il est pour le moment exactement à 38,5, ça on n'en est pas certain, donc c'est ça qu'il faut qu'on vérifie. Mais ce qu'on sait, c'est que quand il y a ces étoiles-là, c'est un signe de bonne activité. Et puis quand le muscle se refroidit, on a une température qui s'uniformise et on ne voit plus du tout ces petites étoiles. Et donc actuellement, ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'on peut corréler l'existence, disons, à la fois en nombre et en surface occupée par ces étoiles, à la température du muscle. C'est ça qui est le but de l'étude actuelle. Et qu'est-ce que vous allez proposer aux joueurs ? Ce qu'on pourrait leur proposer, c'est d'équiper l'équipe de France avec une caméra infrarouge qui permettrait de voir ce qu'on ne voit pas actuellement, c'est-à-dire l'existence de ces petites étoiles. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé actuellement. Et à minima, c'est une solution avec laquelle on peut revenir vers eux. Mais avant de revenir vers eux, il faut qu'on le valide. Et globalement, votre objectif pour 2024 ? L'objectif pour 2024, c'est celui qui avait été affiché par Laura Flessel et qui est repris par Roxana Marcianou, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire de doubler le nombre de médailles. Et pour cela, il faut à la fois que les scientifiques s'investissent, mais aussi le politique, puisque vous savez que le nombre de médailles, il est corrélé à l'investissement financier que le pays fait dans le sport. Et donc, si jamais on veut doubler, ça veut dire qu'il faut exactement doubler l'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mystère, les économistes ont montré ça. En tout cas, vous êtes prêts ? Nous, on est prêts à recevoir deux fois plus d'argent, exactement. Vous l'avez compris, le but de Science 2024 est de préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et de récolter un maximum de médailles. Pour en savoir plus, nous avons mis un lien sur la page des Saventuriers. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les Saventuriers de l'été passé, mais aussi à venir, sont en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier a réalisé cette émission avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée de Djoubaka. À la documentation musicale, il y a Romain Couturier. Merci aussi à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Au programme la semaine prochaine, la chimie verte et le biomimétisme, deux disciplines qui pourraient nous aider à envisager l'avenir sous un nouveau jour. Stéphane Sarad est un grand spécialiste de la chimie verte et Kalina Raskin dirige le Centre européen d'excellence en biomimétisme. Très bonne fin de journée sur France Inter et à la semaine prochaine. Thank you.